Chapitre 9e. Le breuvage qui fait parler. La duchesse, ainsi qu'elle l'avait annoncé, quittait Paris le lendemain, accompagnée de Scabieuse. Elle dormit peu pendant le voyage. Mille pensées douloureuses l'agitaient. Les poteaux du télégraphe, qui se dressaient dans la nuit sombre, pariaient des spectres. Les arbres qui fuyaient la remplaçaient de vagues terreurs. À Nevers, on changea de train pour prendre celui qui unit le Nivernais à la Bourgogne. Lorsqu'ils arrivèrent à Duserre, le jour commençait à poindre, un jour gris et triste, car il avait plu toute la nuit. La duchesse avait télégraphié la veille au maître du bureau de poste de tenir une voiture à sa disposition. Un berlingot, attelé de deux chevaux vigoureux, l'attendait à la gare. Ce second voyage se fit lentement, car les routes avaient été défoncées par l'orage. Nous allons laisser la duchesse et Scabieuse gagner le château de Faubourlois, et nous retournerons un moment à Paris. Dès que Flavia eut reçu le télégramme de la jeune négresse, elle convoqua en toute hâte Martineau, Maxou, le docteur Cavarox et Salavert. Ils se rendirent sur le champ à son appel. « Mes amis, leur dit-elle, l'heure de l'expérience dont je vous ai parlé est venue. »« Ah, ce fameux breuvage qui délie la langue au muet ?» reprit Cavarox avec un sourire incrédule. « Oui, répondit Flavia, la duchesse part ce soir pour le Faubourlois, et nous irons l'y rejoindre. »« Très bien. » firent Salavert et Martineau. Seulement, nous ne suivons pas la même route qu'elle, nous prendrons l'express de Paris-Lyon. Nous descendrons à La Roche et nous nous rendrons au château de Faubourlois par Clamecy. De cette façon, nous éviterons toute rencontre avec la duchesse. Je vous attendrai ce soir à la gare de Lyon à 8h30. Nous serons exacts, répondirent les quatre jeunes gens. Le château de Faubourlois, délaissé depuis 3 ans par la famille Valombreuse, avait un aspect sinistre. La mort semblait être entrée. Rien, en effet, de plus triste qu'une demeure abandonnée. Elle se congèle, pour ainsi dire, ses murs se couvrent de moisissures, les tentures se fanent, les meubles suintent des mucosités délétères et de mauvaises herbes envahissent les cours désertes. La duchesse, en pénétrant à la nuit tombante dans le château, se sentit prise de ce frisson que fait éprouver l'entrée d'un tombeau. Scabieuse, elle-même, ne put se défendre d'un sentiment d'effroi. La pluie, qui avait cessé pendant quelques heures, tombait de nouveau, lente et monotone. Loussière grossie grondait sourdement. Au-dessus des bois environnants flottaient, pareils à d'innombrables troupeaux, des nuages d'un blanc terne qui se suspendaient aux crêtes des rochers. Lorsque les volets eurent été ouverts, la duchesse de Valombreuse, que son insomnie de la veille avait brisée, fut comme saisie d'un accès de fièvre. « J'ai froid, » dit-elle. Scabieuse appela le jardinier. Un vieux bonhomme, à moitié sourd, le seul gardien du château. Quelques instants plus tard, un feu de campagne était allumé dans le salon, mais le vent qui soufflait avec violence abattit toute la fumée et l'on fut obligé d'éteindre ce feu. C'était dans ce salon qu'avait eu lieu le prologue du drame judiciaire qui s'était dénoué par la condamnation de Flavia. Dans le fauteuil où venait de s'asseoir Madame de Valombreuse, la jeune institutrice lui avait apporté le breuvage dans lequel son médecin avait signalé la présence de l'arsenic. Le petit guéridon près duquel elle se trouvait assise était celui sur lequel elle avait posé sa tasse après avoir bu quelques gouttes de son contenu. Tous ses souvenirs prirent une forme devant les yeux de la duchesse. Pendant quelques minutes, elle ne vécut plus dans le présent mais dans le passé et des gouttes de sueur perlaient à son front. Elle s'arracha enfin cette vision et se tournant vers Scabieuse, qui se tenait debout à quelques pas. « Mon enfant, lui dit-elle, je me sens toute glacée, et je voudrais prendre quelque chose qui peut me réchauffer. »« J'ai eu soin d'emporter du thé, madame, » répondit la jeune négresse, « et je vais vous en préparer une tasse. »« C'est cela, allez, vous me trouverez dans ma chambre à coucher que voici. » Elle indiqua une des pièces qui donnait sur le salon. Scabieuse se rendit à la cuisine, et en moins d'un quart d'heure, le thé fut prêt. Elle ouvrit alors la fenêtre, tira de son sein un petit sifflet d'argent et fit entendre 3 sons aigus. Peu après, 3 sons tout à fait semblables et qui venaient des gorges de la rivière répondirent à ce signal. « Ils sont là, » dit-elle, « je puis agir. » Elle alla prendre son sac de voyage, en sortit un flacon rempli d'une couleur incolore, le déboucha et en versa 5 ou 6 gouttes dans la théière. La duchesse, aussitôt après la sortie de Scabieuse, était passée dans sa chambre à coucher. Là, elle introduisit une clé qui ne la quittait jamais dans la serrure d'un petit secrétaire en bois de rose où se trouvaient enfermés ses papiers de famille et divers titres de propriété. Les uns et les autres étaient à leur place et parfaitement intacts. Lorsque la jeune négresse vint apporter le thé, la duchesse était couchée. « Mettez la théière et la tasse sur ma table de nuit, mon enfant, » lui dit sa maîtresse, « et puis allez vous reposer, car vous devez être fatigué. Votre chambre est au bout de mon cabinet de toilette. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. » Scabieuse se retira. Madame de Valambreuse, malgré les épaisses couvertures sous lesquelles elle était enfouie, grelottait. « Voyons, » se dit-elle, « si ce thé parviendra à me réchauffer. » Elle emplit sa tasse, la sucra et but. Le frisson qui jusque-là ne l'avait pas quitté diminua presque instantanément. Puis une chaleur, d'abord douce, se répandit par tout son corps. Peu à peu, cette chaleur devint plus vive et une grande torpeur s'empara de tout son être. « Mon Dieu, et cette lettre que j'ai oublié d'anéantir ? » fit-elle tout à coup. Elle essaya de lutter contre le sommeil, mais ce fut en vain. Ses paupières étaient lourdes comme du plomb. « Ce sera pour demain, » murmura-t-elle, et ses yeux se fermèrent. À ce moment, la porte qui donnait sur le cabinet de toilette s'entr'ouvrit tout doucement et la tête de la jeune négresse montra dans l'entrebâillement. « La liqueur agit, » dit-elle. Elle prit un flambeau, l'alluma et descendit. Quand elle fut arrivée près du petit pavillon qui servait de demeure au vieux jardinier, elle s'arrêta et prêta l'oreille. Un bruit énergique lui annonça que le digne gardien dormait profondément. Elle entra dans le pavillon et s'empara de la clé de la porte d'entrée du château. Cela fait, elle se dirigea vers cette porte et interrogea du regard les ténèbres. Trois coups discrètement frappés dans la main la firent tressaillir. « C'est elle !» dit-elle tout bas, et elle ouvrit. Scabieuse ne s'était point trompée. Flavia, enveloppée dans un ample burnous, attendait près de la grille. Derrière se tenaient cinq hommes, également cachés sous d'épais manteaux. « Eh bien ?» lui demanda Flavia. « Elle a bu la liqueur qui fait parler, » répondit la négresse. « Où est-elle ? Dans sa chambre à coucher. »« Et c'est pendant son sommeil qu'elle parlera ?» dit le docteur Cavarox. « Non, » répondit Scabieuse. L'effet de ce breuvage a deux périodes bien distinctes. La première, celle de l'engourdissement, dure une heure. Puis vient celle de la surexcitation nerveuse pendant laquelle on se réveille brusquement comme pour chasser un cauchemar. Alors il suffit, afin de faire parler la personne endormie, de lui prendre la main et de l'interroger. « C'est bien, » dit Flavia, « conduisez-moi vers elle. » « Et vous, messieurs, » continua-t-elle en se tournant vers les cinq hommes qui écoutaient silencieusement, « suivez-moi. » La chambre à coucher de la duchesse présentait, au point de vue dramatique, une scène vraiment saisissante. Dans le lit, qui par sa forme rappelait l'époque de Henri III, la veuve du duc de Valombreuse dormait d'un sommeil léthargique. Sur la table de nuit, une veilleuse en porcelaine projetait une lumière vague et blafarde. Devant le lit, cinq hommes, couverts de manteaux, s'estompaient en silhouette sombre sur la muraille. C'était Sir John Colfax, Martineau, Salavert, Maxou et Cavarox. À la tête du lit, tout près de la dormeuse, se dessinait le profil implacable de Flavia. Perdue dans l'obscurité, la négresse, accroupie, attendait. Elle avait dit que le sommeil de la duchesse durerait une heure. Le breuvage avait été pris à 9 heures, donc les effets de la seconde période devaient se produire à 10 heures. Les sept personnages qui épiaient la crise annoncée ressemblaient à ces francs juges qui exerçaient autrefois leur mission terrible en Allemagne. Le silence le plus profond régnait. On eût dit une veillée mortuaire. L'horloge du clocher voisin sonnait à 10 heures. Alors la duchesse fit un mouvement. Scabieuse étendit la main comme pour dire « Voici l'heure, regardez !» Madame de Valombreuse, comme si elle eût été galvanisée par le choc d'une pile électrique, se dressa sur son séant, les yeux fixes et brillants d'un éclat extraordinaire. Les cinq hommes firent un mouvement pour s'éloigner du lit et laisser Flavia commencer l'interrogatoire. « Restez immobile et attentif, » leur dit la jeune négresse. « En ce moment, elle ne voit pas, et si on lui parlait, elle n'entendrait pas. Elle vit dans un monde surnaturel. » La scène muette dura quelques minutes encore. Puis la duchesse entr'ouvrit les lèvres et dit à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même, « Personne ne peut me voir. » Elle s'arrêta et fit le geste d'une personne qui cherche un objet quelconque. « Voici la poudre blanche, la poudre vengeresse, » reprit-elle bientôt. « La vengeance, ah, la bonne chose !» Et elle fut prise d'un rire fou, étrange, désordonné. Ce rire la secoua des pieds à la tête, comme si elle éprouvait une vive souffrance intérieure. « C'est ainsi que doivent rire les damnés, » dit Flavia, qui, droite et impassible, les yeux fixés sur Madame de Valombreuse, semblait être la personnification de la haine. Et le rire continuait toujours, mais étranglé, étouffé et interrompu de temps à autre par des spasmes. Martineau, Maxou, John Colfax et Salavert, vivement impressionnés par cet épouvantable spectacle, détournèrent un moment la tête. Gavarocks, auquel il présentait un très grand intérêt sous le rapport scientifique, se rapprocha du lit, puis s'arrêta et regarda Scabieuse. Elle comprit la signification de son regard. « Vous pouvez constater le nombre des pulsations, » lui dit-elle. « Elle ne sentira rien. » Le docteur tira son chronomètre et prit ensuite le bras de la duchesse. « 90 pulsations à la minute, » dit-il. « Mais pas de fièvre. Cet état de surexcitation est tout moral. Il ne réagit nullement sur le corps. » À ce rire succédèrent des soupirs prolongés, assez semblables à des sanglots. « Le moment est venu, maîtresse, » dit la jeune négresse. « Prenez sa main et il répondra aux questions que vous lui adresserez. »« Messieurs, » dit Flavia, « c'est une confession que je vous ai promise. Écoutez donc attentivement. Salavert, placez devant cette table et écrivez tout ce que vous allez entendre. » Flavia prit la main de la duchesse. Celle-ci fit un mouvement comme pour se dérober à cette étreinte. Mais bientôt, se sentant dominée par une volonté supérieure à la sienne, elle cessa toute résistance. L'interrogatoire commença. Vous aviez au château de Faubourg, pour institutrice, une jeune fille nommée Flavia Morin. Oui. Elle a été condamnée comme empoisonneuse. Oui. Était-elle coupable? Non. Qui donc, alors, avait commis le crime? Moi. Pourquoi l'avez-vous fait condamner? J'ai voulu me venger. Vous venger? De quoi? Mon mari l'aimait. Mais répondait-elle à l'amour de votre mari? Elle y répondait. À ces paroles prononcées d'une voix nette par la duchesse, Gavarocks, Salavert et Martineau se regardèrent avec étonnement. Maxou avait pâli. Sir John Colfax semblait atterré. Flavia, sans s'émouvoir, continua. « Quelle preuve avez-vous qu'elle aima le duc ?»« Une lettre qu'il lui a adressée. »« Cette lettre, elle ne l'a jamais reçue. Je l'ai interceptée. »« Qu'en avez-vous fait ?»« Elle est dans mon secrétaire. »« Où est la clé de ce secrétaire ?»« Derrière la pendule. » Flavia fit signe à Scabieuse. Celle-ci alla prendre la clé, ouvrit le meuble désigné et en sortit une lettre. « Lisez, mon père, » dit Flavia à Sir John Colfax, « lisez à haute voix. » Colfax prit la lettre du duc de Vallombreuse et lut tout haut ce qui suit. « Vous l'avez ordonné, ma chère Flavia, et je pars. J'emporte à Uriage une blessure dont je ne guérirai point. Vous êtes trop fière pour accepter un autre titre que celui d'épouse. Mais la duchesse est d'une santé délicate, je puis devenir libre un jour, et libre avec vous, devenue ma femme. Quel rêve !» « Eh bien, » dit Flavia à la duchesse, « vous mentiez donc, tout à l'heure, lorsque vous affirmiez que l'amour de votre mari était partagé. »« Je ne sais pas, je crois. » »« Et sur un simple soupçon, vous avez pu commettre un crime aussi épouvantable. »« J'étais jalouse. J'avais la tête perdue et, à l'insu de tous, j'ai versé le poison. » »« Et l'arsenic trouvé dans l'album du Nivernais, c'est moi également qui l'y ai mis. » »« Plus tard, Flavia était graciée. Qui a fait obtenir sa grâce ?»« Moi. » Ce chèque de 50 000 francs qu'on lui a remis sous le paquebot, de quelle main venait-il? De la mienne. Dans quel but avez-vous agi ainsi? Le remords me tuait. L'interrogatoire était terminé. Vous avez écrit tout ce que vous venez d'entendre? Dit Flavia à Salavert. Tout, répondit-il. Voit-elle en ce moment? Demanda Flavia à Scabieuse. Elle voit, maîtresse. Flavia présenta à la duchesse le procès-verbal dressé par le maître clerc. Lisez, madame, fit-elle. Madame de Vallombreuse prit le papier, le lut lentement et à mi-voix. « Vous reconnaissez pour vrai tout ce que vous venez de lire ?» continua l'ex-institutrice. « Oui. Signe alors, madame. » Sir John Colfax passa une plume à la duchesse et elle signa. « À vous maintenant de signer, » dit Flavia en s'adressant aux quatre jeunes gens. Marino et Salavert apposèrent leur signature au bas du procès-verbal. « J'étais incrédule, » dit le docteur Gavarocks en souriant. « À présent, je crois à la vertu du breuvage qui fait parler. Quel dommage que je ne connaisse pas la recette de sa fabrication. Je deviendrai le maître du monde. » Puis il signa. Le tour de Maxou était venu. « Je signe, » dit-il, « mais sous toute réserve. » « Et quelles sont-elles ?» répliqua Flavia en le regardant dans les yeux, comme pour y lire la signification de ses paroles. « Si, plus tard, il en ait besoin, » répondit-il, « je m'expliquerai. » Lorsqu'il eut signé, Flavia prit le procès-verbal et le serra dans son portefeuille avec la lettre du duc de Vallombreuse. Cependant, la duchesse était retombée dans son sommeil, un sommeil agité et anxieux. Sa respiration devenait plus pénible. Parfois, elle avait des soubresauts convulsifs. Elle fut prise ensuite d'un tremblement par tout le corps. On dirait le tétanos. murmura Cabarrox, qui suivait d'un œil curieux toutes les phases du phénomène. « Elle va se calmer, » répondit Scabieuse, « puis elle dormira pendant 10 heures, et lorsqu'elle se réveillera, elle ne se souviendra plus de ce qui s'est passé. » « Eh bien, messieurs, » dit Flavia d'un air sombre, « pensez-vous que cette femme mérite un châtiment ?» Tous répondirent par un signe de tête affirmatif. « Bien, » reprit-elle, « maintenant retournons à Paris. » « Vous m'emmenez, n'est-ce pas, maîtresse ?» lui demanda Scabieuse. « Non, car ta disparition pourra lui donner l'éveil, » répondit Flavia. « Je te ferai savoir quand tu pourras me rejoindre. » Quelques instants après, on entendait le bruit d'une voiture qui descendait les collines ardues au sommet desquelles se dressait le château de Faubourlois. Le lendemain matin, la duchesse, à son réveil, n'avait aucun souvenir des événements de la nuit. Elle éprouvait seulement dans tous les membres une lassitude et une faiblesse extrême, mais elle ne s'en préoccupa point, attribuant ce malaise à la fatigue de son voyage. Lorsqu'elle fut levée, elle alla prendre, derrière la pendule, la clé de son secrétaire. Tous les papiers se trouvaient à la place où elle les avait laissés la veille. Un seul manquait, la lettre du duc de Valambreuse. Elle ouvrit tous les tiroirs et chercha partout. Stupéfaite, elle se demanda s'il ne l'avait pas mise dans un autre endroit ou brûlée. Mais non, elle était bien certaine de l'avoir laissée dans le secrétaire. Elle agita fiévreusement sa sonnette et Scabieuse accourut. À toutes les questions de Madame de Valambreuse, la jeune négresse répondit qu'elle n'était pas entrée dans sa chambre depuis la veille. La duchesse était confondue à ce point qu'elle finissait par se demander si ses yeux ne l'avaient pas trompée, et si la lettre qu'elle avait tenue la veille dans ses mains était bien celle que le duc avait adressée du riage à Flavia Morin. Alors elle fit appeler le vieux jardinier, et sans qui, si depuis qu'elle avait abandonné le château, quelqu'un d'étranger n'y serait point entré. « Personne, madame la duchesse, répondit-il. Mais êtes-vous bien certain, continua-t-elle, qu'on ne s'y soit point introduit à votre insu ? « Il n'y a point de malfaiteurs dans le pays, » dit le brave gardien. « Et puis, qui aurait pu s'introduire dans les appartements, puisque les portes et les volets sont demeurés fermés durant tout le temps de votre absence ? D'ailleurs, je m'en serais bien aperçu, madame. » Cette réponse était sans réplique. La duchesse se livra à de nouvelles recherches, elle fouilla tous les meubles de la chambre à coucher, la lettre du duc ne se trouvait nulle part. Un trait de lumière passa alors devant ses yeux. « Plus de doute, » se dit-elle, « on m'a volé cette lettre. » Mais dans quel but ? Le soir du même jour, elle quittait avec Scabieuse le château de Faubourlois, et tout le long de la route, elle demeura silencieuse. Son esprit était agité de vagues pressentiments. Ce que lui avait dit Maurice de Lavernay lui revint bientôt en mémoire et son épouvante redoubla. « mon Dieu, » pensait-elle, « si l'heure du châtiment est venue, que du moins il épargne mes enfants. » À peine fut-elle arrivée à son hôtel de la rue de Varennes, qu'elle se précipita comme une folle au cou d'Ève et de Marcel, qui étaient accourus à sa rencontre. « Mes filles, mes chères filles » s'écria-t-elle. « Vivantes, je vous retrouve vivantes !» Elle ne put en dire davantage. Son visage devint pâle, ses yeux se voilèrent, elle étendit les mains pour chercher un appui, et elle tomba comme foudroyée.